Adomoro, Pacifique, ma grand crâne. Allez, chalak en agence mon kilimoba. Constant, la ligale ya makanza. Francouya. Tango et anelinga boya kobasa matambumbu. Eloko na kobanga no kina zangaye. Benayembi na nzembo osongisa motema. Biso bisali kongenga pauni teo. Asimbula eko no kongo. Ndako moko te papa. Bala nyo soba koswa na kaeme Oyo yanga ina yo eko mandenga bomoninga Amure yeba na kanatangu ya wale Kola na te chevi matea ya banguna Lana kose ya mere samba Ma chevi zala na motema Lote a solo papa Se toi dit koye ba fragile sa moto Na komitu na soki peso kozala na yolati Lo bella serina monte manayo Sois sincère de libalo yo madopa Ye ye ye oh papa Ngai na zala ki moke neli pata Kasina bele li seri yo koni makate o Keba no kila mbure konana Mbwaya ganda Bafungola kaena butu Baby Shemi Zuta Na Freebox Fedi Kodia Uwe kikibak Libala nyo soba koswana kaeme Oyo yanga ina yo eko mandenga mbomoninga Amure yeba na kanatango ya mwale Kolana te chéri mate ya ya banguna Lana kose ya mere samba oh ma chéri Zala wanga motema Mon lieutenant Roger Bisey, papa Mapasa Oue Kamile Obia Mes compliments à maître Mustafa et Maoussa Nani mille lote ya solo mama Se tradi kouye papa jilza moto Komitu na soki peto kozala na yo papa Lo bela latina motema na yo Soa sese mbibalo yo maduba Ye ye ye, oh papa Maina zala kimoke nilipata Soki na bimba mboba nime lima Pasina pele li sheri yo kondi makateo Un Charlie Boukaka na matete Jean-Marie Malomba Ah Charlie Mayas Moziki ta marque Ou est-ce que tu as fait Tu me la fais pour y'a pioté A qui dit c'est la yamata A tonton belinge tante Dit c'est la yamata A patakani Pour ébolo Dit c'est la yamata A patakani Dice la llamada, apata cani, coco loco, me dice la pampa.